salut l'équipe de Blockbuster. Bah, c'est Victor, voilà, je vous appelle parce que je trouve que l'émission est top, c'est génial, et notamment le sujet du jour, Dune, c'est top. Moi, ça fait des années que je me dis que j'ai envie de lire le bouquin, et bon, bah voilà, vous l'avez quand même bien spoilé en présentant l'histoire tout à l'heure, quoi. Là, vous n'y êtes pas allé par quatre chemins, donc il y a une des personnes qui a dit ah, spoiler et tout comme ça, mais dans ces cas-là, il faut le lire. Bon, ben, c'est pas grave, je lirai quand même, Dune. Et puis, en tout cas, bravo pour vos émissions. Et puis, voilà, bonne journée. Bonjour, c'est Michel de Célestin. Je vous appelle par rapport à la saga Dune. Saviez-vous que l'écrivain Frank Herbert, en collaboration, a écrit un autre bouquin qui s'appelle Avant Dune, donc qui explore avant les enfants de Dune et l'empereur dieu de Dune. To be or not to be, not to be. C'est étrange notre rapport aux films ou aux séries sur des criminels. Le Parrain, Les Sopranos, Scarface. Le temps d'un film ou d'une série, on se passionne pour la vie d'un type qu'on ne voudrait absolument pas comme voisin. Moi, en temps normal, si je vois quelqu'un promener son chien sans ramasser ses déjections, je suis à deux doigts d'appeler la Cour pénale des droits de l'homme tellement ça me choque. Je ramène les queues de cerises que j'ai mangées dans les magasins au caissier pour que je les paie. Jeter des emballages dans la mauvaise poubelle, ça me met en PLS. Mais pourtant, je suis à fond sur des séries de mafieux qui dessoutent des gens en mangeant des pâtes. Breaking Bad, un prof de chimie qui se met à vendre de la drogue, non seulement je le comprends, mais je veux pas qu'il se fasse attraper. Alors que je suis scandalisé par un gars qui porte pas de masque dans le métro. Globalement, les gentils, celles et ceux qui respectent la loi, ça n'inspire pas les scénaristes. Combien de films tournent autour de pères de famille divorcés, à la ramasse, qui sur un ou deux jours vont se racheter et devenir des bons papas, alors que la mère, celle qui trime, élève les gosses, qui des fois a réussi à refaire sa vie avec un type plutôt sympa, avec les enfants, eh bien elle va avoir droit à deux pauvres scènes où elle va passer pour une rabat-joie castratrice. Finalement, je me demande si c'est pas ça le problème de notre époque. Si vous êtes quelqu'un de bien, il y a peu de chances qu'on en fasse un film. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Aujourd'hui, tout le monde va voir des psys, ou des conseillers, ou encore a envie d'aller raconter ses petits problèmes à la télévision. Vous croyez que ça arriverait, vous, à Gary Cooper? Il était fort, lui, il savait assumer. Ça, c'était un vrai Américain. Il passait pas son temps à s'écouter. Avant tout, il finissait ce qu'il avait à faire. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que quand Gary Cooper avait décidé de ce qu'il faisait, il n'était plus possible de l'en empêcher. Et que les troupes de ceci, les troupes de cela, lui, il n'en avait rien à foutre. On dirait que ça vous tient énormément à cœur. Je vais vous dire, j'ai dû faire un semestre et demi au collège à essayer de savoir qui était Freud, à essayer de voir la thérapie en tant que concept. Mais dans mon monde, tout ça, ça dégage. Dans la galaxie des séries, et quand je parle des séries, je ne parle pas de ces produits calibrés pour un public ciblé qui s'enchaîne aujourd'hui à une cadence infernale sur les plateformes de streaming, mais de cet âge d'or qui a vu émerger des séries telles que Oz, The Shield ou The Wire. Dans cet univers, donc, persiste un débat qui n'a toujours pas de réponse. Quelle est la meilleure série de tous les temps? Pour certains, c'est The Wire dont on vous a déjà parlé ici, et pour d'autres, c'est l'incroyable série de David Chase, Les Sopranos. Pour revenir sur ce chef-d'œuvre de la télévision, j'ai avec moi Frédéric Foubert, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au magazine Première et co-auteur de l'ouvrage Les Sopranos, une Amérique désenchantée avec Florent Loulando, paru aux éditions PUF. Exact. Avec nous également Yérim Sarr, bonjour. Salut. Vous êtes journaliste sur Move, Première, Vice et auteur du documentaire Héros de série, Les méchants prennent le pouvoir, et on vous connaît aussi comme le mec en peignoir de Rap Jeu. Tout à fait. Ouais. Le mec en peignoir. Ouais. Et notamment d'excellentes chroniques durant ce confinement. Je tenais à vous féliciter. Ah bah merci beaucoup, ça fait plaisir. Par contre, si je peux intervenir sur un truc, tous les extraits vont être en VF? Non, il y en aura en VO aussi. Ah, parce mais... que sinon je quittais l'émission. Avec nous également Alain Carazé, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes journaliste spécialiste des séries TV et vous animez le podcast Previously, les séries cultes chez Télé Loisirs, un podcast qui connaît un grand succès et qui reprend à la rentrée et que je conseille vivement. Ensemble, on va revenir sur la genèse de cette série, sur son auteur David Chase, ses influences, son inspiration et sa méthode de travail. On parlera bien évidemment du casting incroyable de cette série, porté par le regretté James Gandolfini et Eddie Falco. On essaiera de vous faire comprendre en quoi cette série a bouleversé son époque et reste encore aujourd'hui ce qui se fait de mieux en matière de narration. En gros, aujourd'hui, on va vous donner, s'il en était besoin, l'envie de voir ou revoir Les Sopranos. D'après le docteur Cusamano, votre médecin de famille, j'ai cru comprendre que ces derniers temps, vous vous étiez évanoui à la suite d'une angoisse subite et que vous ne pouviez plus respirer. Ce sont eux qui ont parlé d'angoisse parce que tous les examens et autres analyses n'ont rien mis en évidence. À votre avis, qu'est-ce qui aurait pu vous faire tomber dans les pommes ? J'en sais rien. Le stress, peut-être. À propos de quoi ? Je sais pas. Le matin du jour où c'est arrivé, je me disais, c'est bien de gérer une affaire qu'on a créée, mais la mécanique s'enraye de temps en temps. D'autant que ces derniers temps, j'ai l'impression d'être au bout du rouleau. Le meilleur est derrière moi. Beaucoup de gens éprouvent cette sensation, vous savez. Quand je pense à mon père, je me dis qu'il ne s'est jamais élevé dans la société comme je l'ai fait. Mais d'une certaine manière, il a eu plus que moi. Il avait les siens, il avait leur façon de vivre, ils avaient leur fierté. Hein, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a, nous ? Avez-vous eu cette sensation de manque de façon plus intensive juste avant de vous évanouir ? Je ne sais plus. Comme l'a dit Yerim Sarr, je vous le rappelle, une série, et d'autant plus une série comme Les Sopranos, ça s'écoute en VO, mais évidemment, pour les besoins de la compréhension pour nos amis qui ne seraient pas bilingues, la VF s'imposait. Donc vous venez d'entendre un échange entre le docteur Jennifer Melfi et Tony Soprano, respectivement doublé par Meg Dara, et Eric Colin, et interprété dans la série par Lorraine Bracco et James Gandolfini. Alors, première question, Alain Carazé, Les Sopranos, ça raconte quoi ? Les Sopranos, alors, ça raconte la vie. C'est vaste. Le pitch à la base, c'est... En six saisons, c'est rapide. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est David Chase. Vous voulez que je vous le cite ? Allez-y. Je vais carrément vous le citer. David Chase me dit, il n'y a pas de message dans la série. Ça parle juste de la vie sur Terre. Simplement le fait d'exister et de trébucher à travers la vie et d'essayer simplement de faire de son mieux. Je pense que c'est à propos de ça et de faire des erreurs. La série n'a jamais vraiment eu un but. Il n'y a pas de morale. Je pense que tout le monde dans la série recherche l'amour. Ils pensent tous à l'argent, mais au fond, ils cherchent vraiment l'amour et l'approbation. Ils se tirent les uns sur les autres pour obtenir plus d'argent, et tout le monde veut plus d'argent. Argent, argent, argent, argent. Mais je pense que ce qu'ils veulent vraiment, c'est être des bébés. Ils veulent qu'on s'occupe d'eux et que quelqu'un leur dise « c'est bon, tout va bien se passer ». Ça parle de ça. C'est pas moi, hein, c'est David Chase. D'accord, alors c'est des bébés qui ont quand même la possibilité de te péter les genoux, voilà. Ouais, mais ça c'est un détail. Non, à la base, c'est l'histoire d'un mafieux dans New Jersey qui, quelque part, est pris par ses deux familles, la famille de la mafia et sa vraie famille à lui, et il ne gère ni l'un ni l'autre parce qu'il est prisonnier de son passé, du fait qu'il a toujours vécu dans cette famille mafieuse du New Jersey qui ne peut pas s'en défaire, alors que quelque part il rêve de s'en défaire, et que sa vraie famille, avec ses mômes, avec sa femme, etc., sont, on va le dire, un peu insupportables. Et donc, il fait des crises d'angoisse en voyant les canards sortir de sa piscine, quoi. C'est normal, quoi. La vie. Alors, c'est un homme au bord de la crise de l'air, Frédéric Foubert. Mais on voit aussi que c'est pas une figure très, très sympathique, la figure de Tony Soprano. C'est-à-dire que, effectivement, sa famille a l'air d'être un handicap pour lui. Mais quand on a la globalité de la série, est-ce que c'est pas lui qui a un handicap pour tout le monde aussi ? Ah oui, c'est quelqu'un de très compliqué. Comme tu l'as dit en intro, on regarde ce héros, cet anti-héros qui est un meurtrier, assassin, menteur, homophobe, raciste, enfin tout ce qu'on veut. Et on peut pas s'empêcher d'être quand même de son côté. C'est ça. Enfin, c'est pour ça que la série a été une telle révolution quand elle est apparue à la fin des années 90. C'est que jusqu'à présent, jusqu'alors, les héros de télé étaient toujours des gens vertueux. Des flics, des médecins. Alors, il y avait quelques salauds, mais pour la première fois, le salaud devenait le héros et on l'applaudissait, on pouvait pas s'empêcher de l'applaudir. Et ça a été ça, la révolution des Sopranos. Yerim, c'est à quelle époque de votre existence que vous avez rencontré les Sopranos ? À quel moment vous avez dit « Ah là, je suis en face d'une série qui ressemble à rien d'autre ?» Je sais plus vraiment l'âge que j'avais. Je crois que j'ai juste harcelé un pote pour qu'il m'enregistre sur VHS, parce qu'en France ça passait sur Canal Jimmy, il me semble. Et donc c'est à la diffusion française sur Canal Jimmy. Mais du coup j'ai plus les dates. Mais disons que pour moi c'était un peu le prolongement d'autre chose. C'était pas forcément quelque chose de fondamentalement nouveau, dans la mesure où Bon, je pense qu'on en parlera par la suite, mais tu vois, le côté anti-héros, justement, dans les séries. En fait, il y avait déjà eu Oz avant, qui en plus était déjà produit par HBO, qui en plus a une grande actrice en commun avec Les Sopranos, qui est Di Falco. Et en fait, Les Sopranos, ce qui me faisait plaisir, c'était de justement que ça élargisse un peu le spectre, que ce soit... c'est un criminel, ce sont des criminels, mais dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'en gros, Les Sopranos, pour moi, c'est vraiment la série qui déconstruit un peu la figure qui était d'habitude soit très méchante, soit carrément mythique du mafieux absolu, pour dire, ouais, en fait, il a une vie de famille de merde, il a des crises d'angoisse, il est obligé d'aller un peu à contre-cœur au début, voir une psy. Enfin, c'est vraiment des problèmes d'un père de famille américain. C'est un petit peu Les Affranchis, mais sans le côté glamour, costard et tout ça. C'est vraiment ouais. les Affranchis vont acheter du jus d'orange parce que ils vont faire un petit déjeuner. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. En plus, avec le pareil, je pense qu'on en parlera dans ses influences, mais l'apport des Affranchis aux Sopranos, qui est quand même énorme, puisque je crois qu'il y a plus de 25 comédiens oui, en commun. En commun ouais. Donc forcément, c'est jamais un hasard. Et après, pour la petite histoire, ce qui était assez comique, c'est que je crois que quand Les Sopranos débute, c'est peu avant ou peu après un film qui était vraiment pas très bien qui s'appelait Mafia Blues avec Robert De Niro en mafieux qui est obligé d'aller voir un psy qui était joué par Billy Crystal et eux en fait c'était le pendant vraiment comique un peu médiocre de cette même thématique mais je crois que étrangement malgré les hommages aux Affranchis Robert De Niro a pas vraiment apprécié la proximité. Parce que jusqu'à très récemment, il disait « Oh non, j'ai pas pris le temps de regarder cette série, etc. » Donc, ouais, c'était un peu tristouné. Quoi. David Chase était très énervé par ça. Bah, ouais. C'est au moment où Les Sopranos ont démarré sur HBO en grande pompe, tapis rouge, etc. « Ouais, mais c'est rien à la Suisse, quoi. » Non. ça l'énervait un peu. Et il m'a raconté en effet que sans arrêt, on lui disait ça. Mais c'était vraiment le leitmotiv, quoi. C'est toujours la volonté de certains journalistes de réduire les choses et de caricaturer les choses, mais c'est... Oh ben voilà, c'est une version de télé du film. Donc voilà, ça l'énervait pas mal. Surtout qu'en effet, au bout de 2-3 épisodes, ça n'a rien à voir. Ah oui, je peux comprendre que ça l'énerve. Pour l'anecdote sur Canal Jimmy, la série a démarré 6 mois après les États-Unis, ce qui était un exploit à l'époque. Maintenant, on est dans le US plus 24, donc c'est ça, on est à la ramasse. Mais quand même, c'était diffusé 6 mois après les États-Unis. Et la chaîne a acheté la série sur script, sans voir le moindre épisode. C'est vous dire un peu le flair de Annette Blick qui était la responsable de l'acquisition. Elle a lu le script, elle dit ça va être génial, je prends. C'est-à-dire il n'y a pas eu le moindre pilote, pas d'essai, juste sur la confiance, sur la base du scénario. Sur la base du scénario. En France, on l'a acheté sur la base du scénario, le pilote n'était pas encore terminé, le pilote n'était pas encore fait. HBO l'avait validé, mais on n'avait rien vu. Et d'où vient David Chase? David Chase vient de la télévision, un peu du cinéma où il a essayé de faire des choses, mais il vient de la télévision, il a fait plein d'autres séries. Il a écrit plein de scénarios, entre autres pour des séries comme The Rockford Files, des séries policières, ou une série fantastique complètement oubliée en France qui s'appelle Dossier Brûlant. Il a même créé une autre série, Almost Gone, je crois, quelque chose comme ça, qui n'a pas duré longtemps. C'est quelqu'un de très frustré par la télévision, mais qui essaye quand même de faire des choses pour. Mais il a toujours été très frustré par le média télé, par les restrictions, par le fait qu'on peut pas montrer ceci, par le fait qu'on peut pas montrer cela, etc., etc. C'est de là dont il vient. Il vient pas du, c'est pas quelqu'un qui vient du cinéma et qui descend de son piédestal pour aller à la télévision. C'est vraiment quelqu'un de la télévision, mais qui espère faire quelque chose d'autre, qui espère monter au cinéma ou qui fait faire quelque chose d'autre à la télé. Et à l'époque, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas beaucoup d'autres chaînes pour faire quelque chose d'aussi différent que Les Sopranos. Quoi. Bon, on va continuer de parler des Sopranos, mais une série culte, c'est aussi un générique culte. Et on se souvient de Tony Soprano en voiture, cigare à la bouche, qui rentre chez lui. En fait, Tony Soprano, c'est Homer Simpson qui aurait sombré dans la criminalité. Et on va écouter Alabama Free avec Woke Up This Morning. Dans le milieu, elle est celle qui commandite dans l'ombre, Céline Lucky Fingers Hila, c'est elle qui a réalisé cette émission. Jeanne Aldente Paravert et Sarah Corleone Masson, on les appelle les nettoyeuses, ont préparé cette émission. Et c'est Tom Petitmain Malky, dit le téléphone du 91, qui a livré la marchandise. Dans Blockbuster sur France Inter et on parle de la série Les Sopranos avec les journalistes Alain Carazé, Yérim Sarr et l'auteur Frédéric Foubert. C'était bien nous deux, n'est-ce pas? On a passé de bonnes années. Et allez donc, le couplet de la nostalgie. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'aucun mariage n'est parfait. Oh bah forcément, avec la maîtresse que tu avais. Je t'expliquais que je la voyais plus. Et toi, tu crois que c'est marrant d'avoir ce curé en permanence à la maison? Ah non, ne recommence pas avec ça. Le curé est mon mentor spirituel et il m'aide à être une bonne catholique. Oui, c'est ça. Toi et moi, on a des besoins différents. Oui, bah la différence, c'est que quand tu mourras, toi, tu iras en enfer. Vous venez d'entendre Tony Soprano et son épouse Carmela Soprano, qui est interprétée dans la série par Eddie Falco et doublée en VF par Dominique Dumont. Alors, aux États-Unis, il y a beaucoup de séries familiales. Il y a La Petite Maison dans la Prairie et puis il y a les Sopranos, mais qui restent quand même, même si effectivement de temps en temps Tony Soprano tue des gens, les étrangle, etc. Ça reste une famille familiale américaine, Frédéric. Oui, oui, c'est une série familiale. Bah, c'est effectivement, c'est les Simpsons en fait. C'est un portrait de la middle class américaine. C'est quand même aussi l'histoire d'un homme dont la mère de Tony Soprano essaye de le tuer quand même et d'organiser son assassinat. Donc c'est une famille, bon, pas tout à fait normale non plus, mais c'est une exagération de la famille américaine. Voilà, c'est une famille qui a quelques soucis, voilà. On en a tous eu. Voilà. Et c'est une sorte de portrait de la middle class américaine du début du 21e siècle. Et ça reprend les codes effectivement de la série, enfin de la famille qui est le terreau de la série américaine depuis la nuit des temps. Et aussi avec tous les stigmates du capitalisme moyen, c'est-à-dire l'envie d'avoir un frigo rempli, une maison cossue, la voiture, les études des enfants. Il y a vraiment aussi voilà ces aspirations qui sont assez basiques. Et en même temps, faut pas oublier que ce sont des immigrés italo-américains qui entretiennent une sorte de fantasme vis-à-vis de l'Italie. Une Italie qui leur a été racontée par des films de mafieux. C'est-à-dire qu'eux-mêmes sont spectateurs de la légende des mafieux via le cinéma, via Le Parrain. Il y a cette dimension, cette mise en abîme aussi, Yérim Sarr. D'autant plus que Bon, outre les clins d'œil répétés aux affranchis, il y a effectivement des clins d'œil aux parrains. Il y a un truc avec le jus d'orange, mais qui est filmé de manière beaucoup plus... C'est juste Tony qui rentre de course, mais c'est aussi un signe annonçateur de mort, etc. Mais il me semble, l'acteur qui joue Silvio, qui est en fait de base pas un acteur, qui est juste le guitariste de Bruce Springsteen. Steve Van Zandt. Voilà. Et lui, en fait... Stevie. Voilà. Et en fait, lui, il avait expliqué, donc déjà, outre le côté comment il s'était retrouvé là, il avait dit qu'en fait, lui, par exemple, pour son perso, tout ce qu'il faisait, c'était singer, en fait, les managers véreux et les patrons de boîtes crapuleux qu'il avait connus dans ses très jeunes années de musicien. Et donc, ouais, en fait, il y a un côté... Bon, et puis après, le reste, physiquement, c'est une caricature assumée d'Al Pacino dans Le Parrain, en gros. C'est vrai que beaucoup de cheveux plaqués en arrière, et d'ailleurs, je crois même que dans la série, à plusieurs reprises, les personnages lui demandent d'imiter Al Pacino. Dans Le Parrain 3, voilà. Ouais. Donc voilà, il y a ça, il y a le côté très réel qui m'est conjugué toujours à l'hommage, en fait, au classique de ce registre-là. Et après, il y a un truc que je trouvais assez intéressant pour situer un peu la série, c'est qu'il me semble que, enfin, il me semble non, c'était dit par l'acteur David Proval, qui donc a auditionné en fait pour le rôle de Tony Soprano à la base, n'a pas été retenu. Et ils lui ont expliqué, en gros, t'es parfait, c'est-à-dire t'es mafia à 100%, tu tiens le rôle dans ta main et tout. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est un mec qui serait pas tout à fait ça, qui aurait aussi le côté un peu nounours, bibindome, beauf américain de base. Et donc, en fait, une sorte d'innocence et de douceur qu'il avait pas. Donc, en sachant que de toute façon, il a décroché le rôle de Richie April, oui, bien plus tard. Et en fait, quand tu vois la différence des deux personnages, tu comprends effectivement où ils veulent t'emmener en tant que spectateur. C'est-à-dire que Tony Soprano, ouais, c'est un mafieux, mais c'est plus encore que les Simpsons, je dirais, il a le côté marié deux enfants, la série. C'est-à-dire que côté très, effectivement, très beau, très avec des visions à court terme. C'est-à-dire, ouais, il veut beaucoup d'argent pour s'assurer une hégémonie, assurer l'avenir de sa famille, etc. Il y a pas vraiment d'illusion de grandeur absolue, en fait, chez ce mec-là. C'est pas une fresque façon Le Parrain. Mais d'ailleurs, quand il parle des États-Unis, c'est des États-Unis fantasmés. Il parlait, là, dans l'extrait, le premier Gary fait, Cooper. De Gary Cooper, ouais, etc. Dans les analyses qui sont faites aujourd'hui de la série, on dit que c'est sûrement un mec qui aurait voté pour Trump, parce que ça l'aurait fait rêver d'entendre America Great Again. Il y a cette aspiration-là, à l'Amérique puissante, dans laquelle les mecs étaient des mecs, il n'y avait pas besoin d'aller chez le psy. Enfin, il y a aussi ce rapport très, très paradoxal. Et je pense que c'est ça aussi, ça qui fait que, on suit ce personnage, on le disait pendant la chanson, c'est que on le découvre à son plus bas niveau, c'est-à-dire qu'il est en peignoir au bord de la piscine, il regarde des canards, il pleure chez le psy, et donc automatiquement on est en empathie avec un personnage, et c'est au fur et à mesure l'intelligence de David Chase de faire découvrir que ce type-là, qui est en dépression, est très dangereux, mais il est en train de vivre une dépression. C'est ça, c'est-à-dire en fait pour que ça marche, pour que le principe d'un anti-héros qui est poussé à ce point-là marche, je pense que tu peux pas, peut-être à notre époque on pourrait, mais à l'époque où Les Sopranos démarrent en termes de diffusion, tu peux pas arriver direct avec par exemple un meurtre, gros plan, premier épisode, plein de cruauté, etc. Parce que sinon... C'était vraiment un peu trop provoque de faire ça dès le premier. Voilà. Ça n'aurait pas marché, ça n'aurait pas fonctionné du tout. Donc du coup, c'est vrai qu'ils attendent le cinquième. C'est-à-dire qu'ils t'ont installé une empathie totale avec ce héros pendant quatre épisodes. Et au cinquième, ils te rappellent que oui, en fait, un mafieux... Alors ouais, il accompagne sa fille pour visiter des universités, mais il reconnaît en fait une balance, donc d'un très vieux procès, et il fait ouais, excuse-moi, j'en ai pour deux secondes. Il suit le mec, il va l'étrangler comme un sauvage, et il revient tout sourire pour accompagner sa fille. Et il est vraiment content de ce qu'il a fait. C'est une journée de travail. Et voilà, c'est une journée très normale. Le sentiment du devoir accompli. C'est ça. Mais effectivement, une série avait essayé de faire ça de manière très provoque, peut-être trop bien avant. Ça s'appelait Profit. Et là, effectivement, dès le premier épisode, en gros, je situe très rapidement, le personnage principal, c'est un sociopathe, voire psychopathe, qui, par tous les moyens, veut se hisser au sommet d'une société privée. Et dès le premier épisode, ils enchaînent vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et beaucoup en fait, trop. Beaucoup trop. Et de la série, vie des créateurs, en effet, après 15 minutes, quand il... quand il roule une pelle monstrueuse à une femme en lui disant bonjour maman, là en effet, les gens ont zappé tous. Oui. Dès la coupure pub, ils ont perdu genre la moitié de leur audience parce que c'était pas possible. Sauf un pourcentage de gens qui sont désormais suivis par les services. Voilà. Non, mais moi je trouve qu'il y a quelque chose dans cette série. Alain Carazé, ouais. David Chase a mis beaucoup de lui dans cette série, notamment son rapport à un peu problématique vraisemblablement avec sa mère. Ah bah, totalement, complètement, il le reconnaît, il le dit clairement dans les interviews. D'abord, il était en thérapie au moment où il a écrit la série, et il a eu toujours des rapports un peu conflictuels avec sa mère. Donc grosso modo, ce qu'il voulait faire, ce qu'il rêvait de faire, c'est une série sur un mec en thérapie qui a des problèmes avec sa mère. Sauf qu'évidemment, pitcher ça auprès d'une chaîne, quelle que soit la chaîne, qu'il soit diffuseur, c'est un peu rédhibitoire. Donc il a enrobé ça avec le côté mafieux, le côté film de gangster, parce que c'est un grand fan de films de gangster. Mais à la base, et ça rejoint complètement ce qu'on dit jusqu'alors, c'est une série sur une famille, sur un type qui a des problèmes familiaux, des problèmes psychologiques, qui remonte à sa mère. Ce qu'on voit petit à petit au bout d'une ou deux saisons, c'est que sa mère est à la base de tout, qui ne gère pas sa vie de famille, qui ne gère pas son autre famille. D'ailleurs, toute la promo de la série aux États-Unis, c'était pas la série de la mafia, c'était « family ». C'était le terme qui revenait sans arrêt sur les affiches publicitaires. Mais la famille différente, bien sûr. Et c'est ça la grande force. Mais David Chase, en effet, c'est vraiment son pitch, son truc, c'est la psychologie, chose qu'on abandonne assez rapidement au fil de la série, au bout d'une ou deux saisons. Le docteur Melfi, on l'oublie un petit peu, à vrai dire. Mais c'est avant tout ça. C'est avant tout un type qui est pas bien dans sa tête. Frédéric Foubert ? Ouais, j'ai l'impression que c'est aussi ça la révolution des Sopranos, parce qu'on dit souvent que c'est une série révolutionnaire. J'ai l'impression que c'est aussi la série qui a permis de comprendre, en tout cas pour les critiques, que c'était l'expression d'un auteur, une œuvre totalement personnelle. C'est-à-dire que David Chase, Tony Soprano, c'est lui. Donc il y avait eu des grands auteurs déjà avant à la télé américaine, Rod Serling, Joss Whedon, il y en avait eu plein. Mais tout à coup, ça devient évident qu'une série télé, ça peut être une œuvre d'auteur, l'expression personnelle d'un seul homme, comme un film de Fellini ou Tarantino ou Scorsese. Et voilà, et Chase impose ça, et après il y aura David Simon, Vince Gilligan et tous les grands auteurs de l'âge d'or des années 2000. Alors évidemment, si vous vous sentez oppressé par la vie, n'allez pas étrangler des gens. Vous pouvez faire quelque chose de plus simple, c'est aussi laisser des messages sur le répondeur de Blockbuster au 01 56 40 30 20. Le répondeur de Blockbuster, c'est la solution au problème que vous ne savez même pas que vous avez. Ah voilà. Et on va faire une petite pause musicale maintenant, on va écouter Junior qui nous interprète La vérité nue. La vérité nue. C'était La Vérité Nue de Junior. Cet intermède musical a été proposé par Muriel Pérez et franchement, on va lui dire merci à Muriel parce que Muriel, elle travaille dans un tout petit bureau et dont elle a le droit de sortir qu'une fois qu'elle a écouté toutes les démos de guitaristes aux cheveux longs qui font de la musique dans leur chambre. Donc vraiment, big up Muriel pour la musique et pour ton endurance. Frédéric Sigrist. Sarah Connor. C'est à côté. Blockbuster sur France Inter. Alors les Sopranos, c'est évidemment le personnage de Tony, interprété par James Gandolfini, mais c'est aussi un casting absolument incroyable, et notamment Edie Falco, l'épouse de Tony Soprano. Edie Falco, c'est la seule qui était un peu connue, quelque part, parce qu'elle était auparavant dans Oz. Mais quand je dis bien c'est la seule, c'est la seule, quoi, parce que 99% des autres personnes, des autres acteurs et actrices de la série ont fait des rôles par-ci, par-là, mais c'est une série dans laquelle il n'y a pas une grande star, il n'y a pas une grande vedette. Donc c'est pas une série avec qui repose sur un acteur bankable ou une actrice bankable, quoi. Il y a des guest stars qui sont passés faire des petits coucous. Les guest stars sont passés, mais à la base, la série est vendue sur la base de parfaits inconnus. Mais Edie Falco, en effet, a été dans Oz. Là, son rôle est absolument extraordinaire. Elle avait énormément de maquillage pour tenir le rôle de Carmela. Les faux ongles, la coupe de cheveux, et voilà. C'était carrément quelque chose. Et elle a suivi par une carrière absolument époustouflante. Toutes les séries qu'elle fait, elle vient de terminer, je crois, aux États-Unis une série d'avocats qui, malheureusement, n'a pas duré, mais qui a été plébiscitée par la critique. Donc, elle continue encore et encore. Enfin, c'est une actrice extraordinaire. Et les Sopranos représentent pour HBO la concrétisation d'une marque, en fait. HBO est vraiment devenu populaire avec les Sopranos. Ça a été l'influence majeure des Sopranos. Il y a une influence scénaristique dont on parlera peut-être, il y a une influence narrative, mais avant tout, les Sopranos a porté une chaîne. Les Sopranos a prouvé qu'une série fiction originale pouvait faire une chaîne télé. Ça, c'est on n'avait jamais vu ça. Il y a plein de séries sur les chaînes de télévision du monde entier, et d'un seul coup, une chaîne payante, HBO, qui diffusait des films en première exclue et du sport, faisait une série originale, c'était pas sa première, mais tout de même, une série originale, et cette série originale créer de l'abonnement. Des gens viennent, ils s'abonnent uniquement pour ça. La série fait tellement de buzz, elle est tellement différente, c'est tellement pas de la télé, puisque le logo de la chaîne c'était It's HBO, It's Not TV. C'était tellement pas ce qu'on voyait en abondance sur toutes les autres chaînes, que les gens qui ne regardaient pas les séries, qui ne regardaient pas la télé, regardaient les Sopranos, donc s'abonnaient à HBO pour ça. Et ça a complètement lancé toutes les autres séries. Ça va de Six Feet Under à The Wire, en passant par Sex and the City. Toutes ces autres séries ont été lancées parce que, quelque part, les Sopranos a prouvé qu'il y avait un public. Et que c'était pas simplement 1000 personnes, 1000 fans qui pouvaient regarder ça, mais que c'était des millions de personnes capables de rivaliser avec les audiences de NBC ou de CBS. Ça a été majeur. Frédéric Foubert. Ça crée un modèle industriel aussi, c'est-à-dire que du coup HBO s'invente comme ça et après il y aura d'autres chaînes qui vont se dire bah, on va le faire nous aussi. AMC par exemple, quelques années plus tard, qui était aussi une chaîne qui diffusait des films. American Movie Channel, donc ça n'avait rien à voir avec les séries. Voilà, ouais. Et il lance Mad Men, créé par un ancien des Sopranos, et Breaking Bad, l'histoire d'un anti-héros à la fois attachant et un peu salaud, et qui est en fait le fils de Tony Soprano, presque Walter White. Donc en fait ça crée ce modèle industriel où on peut faire exister une chaîne à travers ce genre de série. Et à l'échelle mondiale, parce que là on parle d'un marché américain, comment ça a été reçu à l'étranger? Et on sait qu'en France, on avait encore nos réseaux hertziens, les chaînes câblées, c'était peut-être un peu plus confidentiel. Comment sont arrivées en France ces séries? Alors là, je vais pas... Non, parce que c'est toujours et quand on découvre comme mais ça. Mais non, c'est Jimmy quoi. Alors je suis navré, je vais parler de choses que. Enfin bon, je vais parler de choses que j'ai fait, mais j'étais pas tout seul. Hein, c'était toute une chaîne. Sur Jimmy, c'était cool parce que toutes les séries que les autres voulaient pas, c'était pour nous. C'était cool, non? Tous les programmes dont les autres voulaient pas, qui n'étaient pas les cartes postales américaines traditionnelles et Walker Texas Ranger ou les choses comme ça, et que la plupart des chaînes ne voulaient pas. Ben, ça arrivait chez nous. C'est, nous, on prend, nous. On prend. On prend pas longtemps, mais on prend. C'est Friends, c'était chez nous. Seinfeld, c'était chez nous, etc., etc. Et NYPD Blue, c'était chez nous, parce que c'était une série policière qui n'avait pas assez de poursuites en bagnole. Voilà. Et les Sopranos, c'est arrivé sur Jimmy, sur script. C'est absolument incroyable. Et est-ce que les audiences. Le script, elle a dit, c'est génial, donc il la faut. Et est-ce que les audiences ont suivi? Est-ce qu'il y a eu une arrivée d'abonnements? Sur Jimmy, il n'y avait pas d'audience. C'est ça qui était génial. Ah, ça, Jimmy, en tout cas, enfin, il y avait peut-être, on ne nous la donnait pas. Oui, ça c'est mieux. On ne la donnait pas. Moi, je faisais une émission sur Zemmour, on m'a jamais donné mon audience. Ouais. Je suis parti du principe qu'il y avait deux personnes qui regardaient l'émission. C'était plus tranquille, voilà. Mais non, sérieusement, on nous donnait pas les audiences. Je pense que ça fonctionnait très bien. Je pense que Michel Toulouse, le patron de la chaîne, était très très content. Mais il y avait surtout. Et Jimmy a réussi à développer exactement, quelque part, à son petit niveau, ce que développait HBO, à savoir un label qualité. C'est-à-dire que, quelque part, des séries qui passaient sur Jimmy étaient devenues des séries super haut de gamme, qui faisaient les couvertures de Télérama, des choses comme ça. C'était des séries qui n'étaient pas des séries. Ouais, oui, à l'époque, il y avait vraiment ça, quoi. Non, c'est pas une série, quoi. C'est autre chose. C'est presque du cinéma. Non, les gars, c'est une série. Mais voilà. Mais il y avait vraiment ça. Il y avait vraiment cette différence. Ça vous dérangerait d'attendre qu'ils aient recousu mon oreille? Monsieur Soprano, regardez les choses en face. Un centimètre plus à gauche et vous ne seriez pas là en train de me parler. Y a quelqu'un qui vous parle? Qu'est-ce qu'il fait là? L'agent Harris, il allait partir. Nous offrons à votre mari une totale impunité en échange de son témoignage. Vous serez relogé, vous et votre famille, dans un lieu où vous serez en sécurité. Hé, ne parlez pas à ma femme. Ça lui permettrait d'éviter la prison, c'est ça? Carmela, tu peux attendre dehors? Ça, tu peux toujours courir. Vous n'avez pas d'autre alternative, monsieur. Vous ne serez plus en sécurité ni dans la rue, ni en prison. Cette conversation est terminée. Que voulez-vous dire par « il n'est plus en sécurité » ? Il veut rien dire du tout, c'est un banal braquage de bagnole. Maintenant, sortez d'ici, vous stressez ma femme. Au cas où vous changeriez d'avis. Tu sais qu'il a raison, Tony. Il n'arrivera à rien. Mais réveille-toi, Tony, c'est déjà arrivé. Tu pourrais avoir la décence de ne pas me mentir. Qu'est-ce que tu veux, à la fin ? Vivre planqué dans l'Utah ? Qu'on devienne monsieur et madame Mike Smith? Faire de l'élevage de serpents, peut-être? C'est notre seule chance de nous en sortir. On pourrait alors commencer une nouvelle vie. Ouais, inviter les Mormons à dîner le samedi. Tu sais ce que je veux. Je veux que nos enfants aient un père. Ils en ont un. Il est là, en personne. Tony Soprano. Et on fait partie d'un tout. Pauvre petit. Vous avez entendu l'agent Dwight Harris dans cet extrait joué par Matt Servito et doublé en français par Eric Missoff. Frédéric Foubert, il y a eu 6 saisons des Sopranos, et je poserai la même question à Yérim. Est-ce que vous êtes satisfait de la manière dont les Sopranos se sont terminés? Je dis ça parce que il y a quand même un certain nombre de séries qui sont arrivées à leur conclusion et qui ont souvent été contestées, dont on a un petit peu critiqué la fin. Et j'ai l'impression que pour les Sopranos, il y a une forme de consensus sur voilà comment bien terminer une série. Ouais, alors je pense que c'est un exemple en tout cas de série qui a réussi à se bonifier, à se densifier, à être de plus en plus monumentale au fil du temps. C'est-à-dire, c'est génial dès le début et c'est génial jusqu'à la dernière seconde du dernier épisode. Moi, je trouve que c'est vraiment une série qui a pris de l'ampleur, qui s'est affranchie de plein de choses, qui est devenue qui s'est bonifiée avec le temps. Après, je sais pas si tout le monde a été satisfait par la toute fin des Sopranos que je vais pas raconter. Non. Mais mais la fin en tout cas a fait parler et 13 ans après, on est encore en train d'en débattre et donc c'est la preuve quand même si on en discute autant que c'est quand même une fin réussie quoi. Yérim? Ouais, moi perso j'ai aimé la fin. Je pense sans rien révéler. Je pense que comme beaucoup, la première fois qu'on la voit, on est très dérouté. Mais c'est on va dire quand tu la digères et que tu la comprends, tu dis ouais, finalement c'est mieux comme ça, je pense. Même là par exemple, il me semble qu'il y a toujours que c'est plus qu'un projet. Il y a un film qui est un préquel en production avec le fils de New York qui est censé sortir cette année. C'est repoussé année, je crois de 2021, ouais. Je sais plus quel mois. Avec le Covid maintenant, c'est même plus repoussé, c'est mis quelque part, on sait. Après ils avaient commencé à tourner quand même, donc c'est un vrai projet concret. Et c'est le fils de James Gandolfini. Exactement, c'est Michael Gandolfini qui est censé jouer Tony Soprano jeune tout simplement. Ça par exemple, je suis à la fois je suis curieux et en même temps c'est pour moi les Sopranos comme ils suffisent à eux-mêmes en fait en tant que série, je trouve. Mais après voilà, c'est à chacun de voir. Maintenant pour la deuxième fin un peu qui a été quand l'acteur est décédé malheureusement, parce que tout à l'heure tu disais que c'était un peu le père par exemple d'un personnage comme Walter White. Ce qui était très touchant, c'est que donc évidemment il y avait beaucoup d'hommages Il est mort à 51 ans d'un cancer. Ouais, tout à fait. Et j'ai retenu un truc cardiaque moi. mais je sais plus honnêtement, je suis pas sûr. Oui, il est mort. Voilà. Il est décédé, sûr, c'est voilà. Qu'il est décédé. Je ne crois pas que ça soit un cancer. Je ne crois pas. Alors ok, alors c'est cardiaque. Et en gros, donc au milieu des hommages du tout Hollywood, il y en a deux qui sont un peu démarqués pour moi. C'était justement Bryan Cranston et Michael Chiklis, donc respectivement Walter White de Breaking Bad et Vic McKay de The Shield. Et en fait, les deux disaient sensiblement la même chose puisqu'ils disaient en gros sans James Gandolfini, Anthony Soprano, eux n'auraient jamais décroché des rôles comme ça parce que personne n'aurait osé écrire des rôles comme Vic McKay et Walter White. Et donc effectivement, il a un côté très figure pas ancestrale parce que c'est pas le premier anti-héros, mais il a vraiment instauré un modèle d'anti-héros et de comment bien les traiter. Et alors c'est assez symptomatique parce que ça soit Les Sopranos, que ça soit Breaking Bad, à chaque fois il y a cet environnement familial et notamment les épouses qui sont souvent l'objet de critiques du grand public plus dures vis-à-vis des spectateurs, alors qu'en fait c'est pas elle qui zigouille, c'est elle qui essaie un petit peu d'amener une sorte d'unité familiale, de spiritualité et en fait les gens disent mais arrête de retenir ton mari quand il va zigouiller des gens. J'ai l'impression que ça s'est plus posé sur Skyler de Breaking Bad que sur Carmela Soprano, dans la mesure où Carmela Soprano en réalité est très complice de son mari. Elle est plus dans l'hypocrisie, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas voir, mais elle accepte l'argent sale, voilà. Et elle a vraiment une mentalité c'est-à-dire quand il faute et que elle sait qu'elle a un peu l'ascendance sur lui parce qu'il doit se faire pardonner, elle lui exige toujours des preuves d'amour très très matérielles. Oui, d'ailleurs, elle ne supporte pas qu'une autre femme puisse mieux aider son mari. Et voilà, ouais, il y a aussi ce rapport de pouvoir qu'ils ont ensemble qui est pour le coup sur la durée, vraiment, dans la série, parce qu'ils ont une période de séparation aussi dans la série, etc. C'est ça qui est marrant, c'est que tous les thèmes familiaux sont abordés. C'est-à-dire qu'il y a le divorce, il y a la crise d'ado, il y a la double crise d'ado avec la fille et le fils. Enfin, il y a vraiment tout qui est abordé. Et je sais pas si Carmela Soprano est à ce point-là impopulaire, parce qu'en plus, vu qu'ils ont quand même énormément de joutes verbales ensemble, il y a un côté un peu ping-pong qui s'instaure, et surtout, contrairement à Skyler, même si je suis d'accord, c'était très injuste de dire Skyler c'est la méchante de la série. Oui. Ouais, quand même, quoi. c'est un peu limité, mais c'est surtout que Walter White ne trompait pas sa femme. Oui. Tony Soprano, c'est quand même un gars qui fait que ça pendant toute la série. Il est obligé, il est mafieux, il a pas le choix. Alors ouais, c'est dans le contrat. Alain Carazé est très très bien renseigné sur le contrat des mafieux. Je pense il est à la tête du Badabing. Sinon, vis-à-vis de tous ses collègues, tous ses copains mafieux, c'est pas un mec, quoi. Mais en même temps, pour moi, si c'était que des stripteaseuses ou des prostituées de luxe et tout, ce serait le mafieux classique. Là, il y a quand même une unijambiste et soi au milieu. Ouais. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui, au bout d'un moment, va sur à peu près tout ce qui est dans son champ de vision, quoi. Donc... Ouais, mais honnêtement, je disais ça un peu en rigolant, mais c'est vrai que ça fait partie quand même du stéréotype du mafieux dont il ne peut pas vraiment s'évader. Dès qu'il a une relation un peu père-fils avec, par exemple, avec Christopher, interprété par Michael Imperioli, c'est des relations complètement différentes, beaucoup plus... tendre, entre guillemets, beaucoup plus en confiance, beaucoup plus sympathique. Mais c'est vrai que le carcan, de toute façon, du mafieux, c'est tu dois être dur, tu dois surtout pas avoir d'état d'âme, donc hors de question de dire que tu vas consulter un psy, tu dois avoir plein de nanas, une dans chaque port, etc. etc. Enfin, voilà. Et tu ne dois pas pratiquer les préliminaires. Non plus. Exactement. C'est vrai qu'il y a ça dans la saison 1 ou un truc comme ça. Il y a une grosse discussion à un moment sur le sujet, quand même. Il y a un personnage qui est effectivement expert en préliminaire et ça devient un objet de risée. Donc on est vraiment dans un schéma très masculiniste basique. C'est la mafia italo-américaine. Donc au bout d'un moment, c'est clair que c'est... Et David Chase, justement, s'est exprimé sur Les Sopranos dernièrement et il expliquait qu'on ne pourrait plus refaire une série où on pourrait plus la proposer à une chaîne comme il l'avait fait, parce qu'aujourd'hui les chaînes ne parlent que de dystopie. Voilà, il faut faire des trucs dystopiques dans le futur ou dans le passé, mais traiter une vie familiale comme il l'a fait, il pense que ça ne serait plus faisable. Qu'en pensez-vous? Bon, sans doute, parce que en tout cas, il a lancé une mode et du coup, on les a cités, plein de séries The Shield à Breaking Bad qui ont pris le relais et voilà. Et donc après, on a fait un peu le tour, je pense, de la question de de l'homme blanc occidental, fatigué, en crise de la quarantaine et tout ça. Donc c'est devenu un peu un genre qui est plus forcément celui que recherchent les chaînes, mais en même temps... Quand Les Sopranos est arrivé, c'était pas à la mode en fait. Donc, oui. il a créé son propre territoire en le faisant. Ce qui, non, effectivement, est-ce que ce serait plus, est-ce que ça se ferait aujourd'hui? Je me pose la question parce que hier il me parlait du fait que David Chase fasse un préquel au Sopranos. C'est très étonnant en fait de voir David Chase se lancer dans quelque chose comme ça, d'exploiter un peu commercialement. Les Sopranos, parce que c'est pas le genre de chose qu'il fait d'habitude, ça ressemble à une facilité, et en même temps je me dis c'est David Chase, donc il a sans doute une idée géniale derrière la tête, et on va peut-être être très surpris par le retour des Sopranos. Dans quelques instants on va jouer, mais pour le moment, vu qu'il a l'air de très bien le faire depuis le début de cette émission, j'aimerais que le grand Pierre-Yves de Rolin à la technique aujourd'hui nous lance Baxter Dury avec Carla's Got a Boyfriend. Pas de pression, c'est les vacances. Carla's got a boyfriend. He's got horrible trousers and a small car. Carla's got a boyfriend. I spotted him on Instagram. Followed him about a bit. Carla's got a boyfriend. A bit of designer hair. Sloppy facial looks. Carla's got a boyfriend. I might take care of him, to be honest. Promises. Carla's Got a Boyfriend de Baxter Dury, et maintenant on joue. Blockbuster. Le grappin m'a choisi. Frédéric Sigrist. Adieu mes amis, je vous quitte pour un monde meilleur. Sur France Inter. Et aujourd'hui on a Sofiane au téléphone. Bonjour Sofiane. Salut tout le monde. Alors je me suis laissé dire que vous étiez un grand fan des Sopranos. Ouais, un petit peu. oui, je suis un grand fan des Sopranos depuis la première heure. J'avais même un site web avec d'autres personnes. On avait un site web à l'époque qui s'appelait Sopranos Crew. Et on était les seuls en France à parler des Sopranos comme ça. Quoi. Bon, alors vous êtes l'homme de la situation. Vous connaissez le principe du jeu ? Non, pas vraiment. Alors, je vais vous poser une question. Vous aurez 25 secondes chrono pour y répondre. Et si jamais vous n'avez pas la réponse, ce dont je doute, vous pourrez faire appel à un joker, c'est-à-dire un des invités qui est autour de la table, pour qu'il réponde à votre place. Ok. Première question. Comment s'appelle le mythique et regretté interprète de Tony Soprano ? James Gandolfini. Ah bah voilà, là, attention, de toute façon, c'est sûr que vous allez gagner. Hein. Je tue un peu le suspense, mais tout le monde gagne, c'est l'école des fans ici. Hein. question suivante. Combien la série des Sopranos a reçu d'Emmy Awards ? Alors, je vais vous donner, choix multiple, 5 Emmy Awards, 7 Emmy Awards, 9 Emmy Awards. La série ou les acteurs ou actrices de la série ? Tout confondu. Tout confondu. Je crois que c'est un paquet. Moi, je dis 9. Vous dites 9? Eh ben, vous avez raison de dire 9. C'est bien 9 Emmy Awards. Ah oui, il n'y a pas que nous qui avons trouvé Les Sopranos plutôt bien comme série, hein. Dernière question. Quel acteur culte est imité dans cet extrait en VO des Sopranos? Hey, pull me back in. All right, Kay. Just this one time. I'll let you ask me about my affairs. Is it true? Michael! You fucking schifoza! Our true enemy has yet to reveal himself. Alors, Sofiane? Al Pacino, bien sûr. Bah, évidemment, évidemment, bah, c'est un sans faute. C'est un sans faute. Vous avez gagné un exemplaire du jeu de société Blockbuster qui sortira au mois d'octobre, un partenariat des éditions Radio France et Marabout. Merci. Et puis bah merci d'être un des premiers fans des Sopranos et d'avoir contribué à la popularité aussi de cette série au niveau des fans sur le web. Merci à vous, Sofiane. Bah, merci et super émission. Merci beaucoup. C'était super. Au revoir. Alors, on approche de la fin de cette émission. Il y aura encore des tonnes de choses à dire sur les Sopranos, mais j'invite surtout les auditeurs qui ne connaissent pas à vraiment ici essayer. Ça vaut vraiment le coup. Et ah, si t'as pas vu les Sopranos, t'as loupé ta vie. Hein. Oui, je crois qu'on peut le dire. C'est une manière plus cash de le dire, mais je le pense sincèrement. Est-ce que vous auriez un conseil de série dont on ne parle pas assez à voir en ce moment? Ouais, bien sûr, la Casa des Papel. Oh là là, oh le troll de compétition. Non, justement, non. Si vous êtes fan de la Casa des Papel, vous avez probablement aussi raté votre vie. Mais non, moi je mettrais The Deuce, D-E-U-C-E. Donc, toujours production HBO. Et là, c'est plus la team David Simon. En gros, donc, c'est l'équipe qui était derrière The Wire, entre autres. Et en fait, alors c'est une sorte de mini fresque pour le coup, en 3 saisons seulement, avec des grosses ellipses en fait entre chaque saison pour couvrir un laps de temps assez conséquent. Et en fait, c'est la vie nocturne new-yorkaise avec l'arrivée de l'industrie pornographique au milieu. Donc, il y a le milieu de la prostitution, de la mafia, des pimes, des proxénètes, etc. Parfait. Frédéric Foubert. The Deuce avec Michael Gandolfini d'ailleurs, le fils de James. Tout à fait. Moi je citerai, alors c'est pas un trésor caché non plus, mais j'ai beaucoup aimé cette année la saison 10 de Curb Your Enthusiasm de Larry David. Je la cite parce que ça date à peu près de l'époque des Sopranos, ça a été créé il y a 20 ans, c'est toujours à l'antenne et c'est encore les problèmes d'un homme blanc riche qui vit dans une grande maison et qui a des problèmes très compliqués comme à l'époque de Tony Soprano. Donc voilà, il en existe encore quelques-uns sur HBO. Les dinosaures. Alain Carazé. Alors moi, je vais continuer dans la série légère, mais complètement qui passe complètement inaperçue. Ça s'appelle Zoé's Incredible Playlist. C'est une série qui passe sur NBC aux États-Unis et sur Warner TV en France. C'est une série légère, amusante, musicale, puisque son héroïne, Zoé, est une informaticienne qui s'ennuie. Allez, on va être poli, dans son boulot. Elle passe un IRM et il y a un problème au moment de l'IRM. Donc, son cerveau absorbe l'intégralité d'une playlist du mec qui était en train de faire l'IRM. Donc maintenant, à chaque fois qu'elle passe près de quelqu'un... Et elle sent les impressions, les sentiments et les envies cachées de la personne. Et ces envies cachées de la personne sont représentées par une chanson. Donc d'un seul coup, elle voit autour d'elle des gens en train de chanter, en train de danser, en train de s'exprimer comme ça. Il n'y a que elle qui voit ça, évidemment. Donc elle a l'air d'une extraterrestre au milieu de tout ça. Genre, sa patronne qui dit « Non, non, mais tout va bien dans mon couple. » Et en fait, elle entend sa patronne chanter « Satisfaction »,« Get No Satisfaction » des Rolling Stones. Vous voyez ce que je veux dire ? Merci, c'est Alain. Extraordinaire. C'est parfait. Très bon conseil. Eh bien, merci à vous tous. C'est la fin de cette émission. Alain Carazé, Yérim Sarr et Frédéric Foubert. Je vous remercie d'avoir été avec nous pour évoquer Les Sopranos. Comme toujours, amis auditeurs, si vous le désirez, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou sur la page Facebook de l'émission et également Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec cet homme dans la rue, mais... Rien du tout. On a pris un café. Ça va ? J'ai la jambe cassée. Attends, fais voir ça. Je vais t'en foutre, moi, des os qui ressortent en Paris. C'est mon pognon qui va sortir. C'est ce que vous appelez un café. Ouais,